Je suis lasse des défaites, mais plus lasse encore des amis qui après les défaites disent qu'au fond dans la cheville, marche lentement sur le mollet, font le tour du genou, glisse lentement sur le fémur, me pique les fesses et me chatouille le pubis, et remonte encore un peu, me salue depuis mon nombril, et les anges me disent, ami, entends-tu que la défaite n'est pas une victoire, la défaite n'est pas une victoire, et la résignation. Tu sais bien qu'on a toujours un pied dedans et l'autre en suspension. Ah, mais la lutte, elle, continue et les anges pleurent sur cette fausse paix, ami. Les anges pleurent sur cette fausse paix. Ha, ha. Et les anges me remontent le long de la colonne. Top, top, top, tape l'omoplate, me gratte la gorge. Le larynx tremble, le larynx tremble. Oh, me sorte par la bouche, me rentre par le nez, me sorte par les oreilles, glisse dans l'œil, me tire la racine des cheveux et les anges de paix pleurent. Les anges de paix pleure amèrement. Allons avec. Oh,